Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, les formations civiles, y compris le comité de lutte de Songju contre la disposition de Saad et le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de Saad, ont tenu le 31 juillet les conférences de presse devant la Maison Bleue et le ministère de la Défense pour protester vertement contre l'action injuste du gouvernement qui a décidé de disposer supplémentairement 4 rampes de lancement de Saad.